Gérard, j'ai envie de te serrer très fort dans mes bras. Non, mais moi je vais te dire une chose que ça. C'est pas un débat sur les travaux. Gérard, j'ai envie de te serrer très fort dans mes bras. Putain, quand je dis bonsoir, que je demande les fréquences, je veux que ça aille vite parce que je veux pas m'éterniser là-dessus. Ok, les gars. Oh là là! Je viens de te dire de retirer tes doigts de devant le nez, sinon je te dis au revoir. Bon, allez hop, bonne nuit. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un taboulé. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Sur une agence. Sur un baobab. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une belle ladone. Et mon coquillage, donne-moi ta main quand on fait du stop. Et voilà, terminé. Monsieur Cousin, On accueille Laurent Broumed. Je continue, ça a bien marché. Non. Tu as combien de briques? En 4, je te dis 4. 4 briques. 4, alors gros port. Je dis. Il lira certainement le poème Brochette au cours de la soirée. Non mais. Attends, parce qu'il y a encore une autre pochette qui est archi pleine. Mais Brochette, il a l'air sympa, non? Ah, Brochette, je crois que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Bon. Non, mais ça. Encore une fois, GG, s'il te plaît. Merde. Madame Garrett. Bonjour, Gérard, j'appelle les Villangines et je vous écoute sur son de pompon. Si vous m'entendez très mal, ça va aller vite, on va vous dire au revoir. Toi, commence pas à me foutre te foutre de ma gueule. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un taboulé. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Sur une agence. Sur un baobab. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une belle ladone. Et mon coquillage, donne-moi ta main quand on fait du stop. Et voilà, terminé. Et toi, tu vas la fermer parce que j'ai été routier plus longtemps que toi. Alors moi, je vais dire une chose. Tu fermes ta gueule. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où, c'était? Question de Monsieur Cousin. Juste un gros câlin, il t'a planté de vous. Est-ce que les routiers risquent leur vie, bordel? Ah, je... Et toi, tu fermes ta gueule, connard. Non, mais qu'as-tu, au revoir. Allez, tu vas voir, l'idiot, il t'emmerde, allez, dégage. Hop, sa gueule, à t'emmerde, et moi, je t'emmerde, alors au revoir. Donc, Monsieur Bouge, 101.9 par Paris. Bonsoir, Monsieur Cousin. Alors, Didier, au revoir. Hop, terminé. Ouais, je suis pas blaireau, hein.